web à retrouver sur Ikea.fr. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U du Sud-Ouest Midi-Pyrénées. C'est à Gimont, dans le Gers, que la société Gérial élabore son célèbre jambon d'Auch, une recette exclusive née dans l'arrière-boutique d'une charcuterie à côté de la cathédrale d'Auch. S'il est réputé partout dans l'Hexagone, c'est que ce jambon a une particularité. Il se découpe en belles tranches régulières, avec une excellente tenue dans l'assiette. Pas étonnant que de grandes tables parisiennes ne jurent que par lui. Commerçant autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Manu dans 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Les vacances, c'est bien, les vacances, c'est beau, les vacances, c'est l'amour, mais les vacances, c'est aussi les engueulades. Ouais. Nous allons parler d'engueulades de vacances dans un instant. Et j'en ai lourd sur la patate. Voilà, voilà. Soyez les bienvenus. On va s'écouter Marshmello et Anne-Marie, c'est juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Rien de nouveau ce mercredi, la météo reste toujours aussi agréable avec du soleil, du ciel bleu à perte de vue. On est sur la lancée du début de semaine pour encore quelques jours d'ailleurs. Pas de dégradation prévue avant la fin du week-end en principe. Et les températures, elles grimpent ce matin de 15 à 21 degrés déjà du nord au sud. Et puis cet après-midi, on aura 26 à Lille, 30 à Laval, 34 au pied du Mont Ventoux. C'était long, très très long, 90 minutes de foot sans vie ni émotion. Mais à l'arrivée, les Bleus ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher hier, 0-0 face au Danemark, synonyme de première place de la poule de Coupe du Monde. La France peut donc se projeter directement sur les huitièmes de finale et le grand rendez-vous programmé samedi à 16h. Didier Deschamps et ses joueurs retrouveront l'Argentine pour un match coup près face à Lionel Messi. L'affiche du jour oppose la Serbie au Brésil, en Russie. On reparle encore des perturbations de la SNCF. L'ultime épisode de la grève perlée des cheminots prendra fin vendredi matin. D'ici là, on a 4 TGV sur 5, 3 TER et un Cercité sur 5 en circulation jusqu'à ce soir. Parmi les syndicats qui souhaitent poursuivre le mouvement pendant les vacances, la CGT et Sudrail appellent à la mobilisation la semaine prochaine. Ce sera pour le 6 et le 7 juillet, les premiers grands départs de l'été. En magasin ou sur Internet, c'est pareil pour tout le monde. Les soldes d'été ont commencé il y a une heure dans toute la France ou presque. 6 semaines de prix cassés pour vider les stocks, mais aussi faire de bonnes affaires. C'est